Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Colisée de Rome. À ce jour, nous avons réalisé la restauration des façades extérieures. Maintenant, nous allons nous attaquer à la restauration de la structure souterraine, l'hypogée, et aussi des galeries qui font le tour du monument. Le Colisée de Rome s'est refait une beauté ces dernières années, comme l'indique dans cet extrait Pina Pietrangeli, l'architecte qui a supervisé certains de ses récents travaux de restauration au Colisée. Reportage donc de France Info, diffusé en juillet 2016. Principal amphithéâtre du monde romain, symbole de la civilisation romaine à l'époque de l'Antiquité, le Colisée fait partie des quelques monuments qui font aujourd'hui encore la fierté du peuple italien tout entier. Impression de gigantisme. Il faut dire que j'avais quelque chose comme 10 ou 11 ans, découverte du Colisée avec mes parents. C'est un voyage du côté de Rome et du sud de l'Italie. Et je me souviens très clairement de la lumière sur ce bâtiment immense. Une lumière entre les jaunes, les blancs et cette grande façade qui apparaît de ce que je comprendrai plus tard comme étant la route des forums impériaux installés par Mussolini, mais qui profite précisément à la découverte de cet énorme monument au bout de cet axe et une impression d'être perdu dans cette arène immense avec, dans le fond, l'idée des martyrs chrétiens qui auraient pu être martyrisés sur place. Pendant toute l'Antiquité, aucun amphithéâtre, le terme qu'on doit donner à ce monument, n'a été construit dans ces proportions. 50 mètres de hauteur, quelque chose comme 188 mètres sur 156 pour le pourtour complet, une zone réservée au public qui fait plus de 50 mètres, une arène relativement, pas modeste, mais dans les proportions habituelles. Mais c'est tout cet appareil gigantesque qui va avoir un succès, pas seulement, je dirais, du point de vue de sa forme, mais aussi du point de vue du jeu des fonctions qu'il va abriter, du type de construction qui va être mise au point pour arriver à cet élément grandiose. Extrait de l'émission suisse Monumental, le Colisée, diffusée en mars 2014. Vous y entendiez l'archéologue de l'Université de Lausanne, Michel Fuchs, pour nous raconter l'histoire de ce célèbre Colisée de Rome. Je reçois Lune Ferron, spécialiste en histoire ancienne, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeur d'histoire générale au Collège Mérici de Québec. Lune Ferron, bonjour. Bonjour. Quelle importance il a, le Colisée? Bien sûr, il y a cette importance symbolique, puis on va probablement tout de suite en parler, mais en quelques mots déjà, quelle importance a ce Colisée de Rome dans l'histoire de Rome? Ben, il est le symbole de la puissance de Rome quand Rome a été la capitale d'un empire méditerranéen. C'est ce qui explique qu'encore aujourd'hui, il est un monument si important pour les Italiens. C'est le souvenir, en fait, de l'époque où ils ont été presque le centre du monde pendant l'Antiquité. Alors, c'est sûr que c'est important. Et quand il avait été construit, il avait été construit pour être un symbole également. Un symbole qui montrait une nouvelle ère. On venait de quitter une dynastie, celle de Jules César et d'Octave Auguste, qui étaient les Julio-Claudiens après le décès de Néron. On entrait dans une nouvelle ère avec ce qu'on appelle la dynastie des Flaviens, avec un nouvel empereur qui s'appelait Vespasien. Et on voulait montrer vraiment que, alors que Néron avait occupé l'espace pour ses envies personnelles, là, on allait en faire un espace public qui allait démontrer la puissance de Rome sur ses ennemis, sa puissance économique. Un tel monument coûtait une fortune, mais aussi une puissance culturelle, parce que c'est une architecture qui est monumentale, complexe, qui garde encore cet attachement avec la culture grecque, mais qui démontre, en fait, l'ingéniosité romaine en même temps. Donc, c'est un métissage aussi évident et volontaire. Et c'est sûr que ça allait devenir le haut lieu du divertissement romain antique avec sa position géographique. Alors, puis, c'est sûr que ça a été un symbole aussi de violence en même temps. Et puis un symbole qui a traversé le temps. Aujourd'hui encore, ce Colisée représente bien sûr cette grandeur de l'Empire romain de l'Antiquité, mais plus que ça, c'est une des grandes icônes culturelles occidentales, Évelyne Ferron. Oui, parce qu'amphithéâtre, généralement, ça veut dire un théâtre double. Alors, on est supposé prendre un peu la forme de l'odéon d'un théâtre grec et de le doubler, c'est vraiment ce que veut dire un amphithéâtre. Mais le Colisée de Rome ne respecte pas du tout ça. Ouais. On a entendu les dimensions tout à l'heure. Il n'est pas rond de toute façon, c'est une ellipse. Alors, quand on a à peu près 188 mètres par 156 mètres, c'est pas un cercle. Alors déjà, il défie un petit peu ces conventions-là. Mais je veux dire, il faut dire que dès les premiers guides touristiques qui ont été publiés au Moyen-Âge, alors qu'ils n'étaient plus utilisés du tout, il faisait partie, en fait, de ce qui était le symbole de Rome. Il est au cœur de la ville et il est un peu, je dirais, une façon de démontrer que les Romains n'ont pas que copié les Grecs. Oh, je dirais que pour les Italiens, il y a beaucoup de ça. Mais on l'a entendu dans le reportage juste avant que je commence. Il est devenu, au cours du Moyen-Âge et au fil du temps, graduellement aussi le symbole des grandes persécutions chrétiennes. Donc, il a pris aussi, je dirais, un symbole religieux assez important pour les croyants, tout au moins. Donc, ça dépend de qui regarde le Colisée, son sens peut changer. Il est encore là. On vient de terminer, on l'évoquait au tout début de l'émission, de grands travaux de restauration. Il est encore là, mais pas évidemment dans l'état d'origine. Comment ça se compare? Ce qu'on voit quand on va à Rome aujourd'hui, quand on regarde le Colisée, quand on est dans le Colisée, comment ça se compare à ce que c'était au début? Ça se compare pas, parce que c'est sûr que la plupart des gens, de toute façon, à moins d'être un gladiateur ou d'être malheureusement un esclave ou un prisonnier qui allait terminer ses jours dans l'arène, les gens ne visitaient pas l'arène, ne visitaient pas non plus l'hypogée qui sont les salles en dessous, les cellules pour les gladiateurs, les cages pour les animaux exotiques. Je veux dire, les gens ne visitaient pas ça. Alors, c'est sûr que nous, c'est ce qu'on voit. On voit, en fait, les ruines du monument, malgré la restauration. C'est sûr que le marbre, bien qu'il ait été nettoyé, n'est pas aussi blanc qu'il l'a été. Il n'y a plus de statues recouverte de feuilles d'or sous de nombreuses des arches du monument. On n'a plus les boucliers de bronze qui contournaient complètement la reine. En fait, on a de la difficulté à imaginer qu'il était complet et qu'il faisait une ellipse presque parfaite. C'est sûr qu'aujourd'hui, le monument a une bonne partie qui est effondrée en raison des tremblements de terre. Donc, c'est sûr qu'on ne voit plus tout à fait ce que c'était. On a une idée de l'espace des places assises, mais si on avait vécu à l'époque de la Rome antique, ben là, on aurait pu, tout dépendant des spectacles, avoir entre 50 000 et peut-être 75 000 place si les gens se collaient un peu. Et ça variait selon le rang social. Hein. Chaque siège, par contre, offrait une vue parfaite sur la reine. C'est ce qui faisait la beauté du monument. Aujourd'hui, c'est plus difficile de percevoir ça quand on entre à l'intérieur. Ouais. Les gens recevaient des jetons numérotés qui les identifiaient, un peu comme quand on va maintenant dans des grandes salles de spectacle, si on allait, bon, je pense, au Stade olympique ou des monuments comme ça. Et il y avait des places d'honneur pour la famille de l'empereur, les hauts fonctionnaires, les prêtres. Mais plus loin, ben là, on avait les gens des classes un peu plus inférieures, les chevaliers, les tribuns. On avait des couples mariés, les femmes étaient réservées vraiment cachées dans une petite salle un petit peu plus au loin. Et c'est sûr que là, ben, en dessous, l'hypogée, on le voit aujourd'hui, si on le voit, mais à l'époque, c'était mieux organisé. Il y avait vraiment les salles pour les animaux exotiques. Ouais. On avait les cellules pour les prisonniers qui allaient terminer leur jour aux mains des animaux exotiques, et on avait aussi les salles des gladiateurs qui vont devenir tellement populaires qu'ils vont même avoir en fait des casernes tout près du Colisée pour pouvoir s'entraîner avant avant les combats. Donc, c'est sûr qu'on voit pas, on vient de reconstruire d'ailleurs l'espèce de système d'ascenseur à poulies là, qui permettait de monter les animaux exotiques sur la plateforme, sur l'arène. Donc, c'est sûr que là, ça va commencer ces espèces de restaurations à nous donner une meilleure idée de comment il fonctionnait aussi le Colisée, parce que c'était aussi un amphithéâtre de naumachie. On y faisait des batailles navales. Donc, ça, on n'est pas capable d'imaginer ça quand on est sur place. Oui, on pouvait remplir le centre d'eau de quelques mètres d'épaisseur et vider ça pour des combats de gladiateurs le soir. Donc, quelque chose d'assez technologique. Un petit mot encore sur le contexte au moment de la construction, au moment de la décision de construire cet édifice, ce monument, le Colisée. La paternité revient à Titus en même temps qu'à son père. Vous en parliez, Vespasien. Oui. Un petit mot pour nous parler de ce contexte-là, en nous disant d'abord qui ils sont et puis dans quel contexte, pourquoi ils décident de construire ce Colisée. Oui, ben le contexte, en fait, la justification va changer. Donc, on est après le règne de l'empereur Néron. Néron, qui est associé à l'incendie de Rome en 64, réhabilité par contre par rapport à tout ça. On ne pense pas qu'il est responsable de l'incendie, contrairement à ce qui a longtemps été véhiculé, mais reste que c'est sous son règne qu'une bonne partie du centre-ville de Rome est incendiée. Et il faut dire que Néron a profité de l'occasion pour rénover Rome, mais il s'est gardé le centre-ville, là où est le Colisée, en fait, d'aujourd'hui, pour la Domus Aurea, qui était son grand palais où il y avait un lac et tout ça. Et c'est sûr que ça a plus ou moins plu. Néron est quand même un empereur qu'on a forcé au suicide, à quitter le pouvoir de manière quand même assez violente. S'en est suivi une année de 4 empereurs. Ça a été très difficile, la succession, parce qu'on mettait fin à la dynastie, à la lignée de Jules César, d'Octave Auguste. Et c'est dans ce contexte-là qu'une armée va dire « Notre général est celui qui a ce qu'il faut pour gérer Rome. » Et c'est comme ça qu'une nouvelle dynastie va s'établir, celle des Flaviens. Et c'est une famille qui la représente. Donc, c'est Vespasien, le premier empereur de cette nouvelle dynastie. Et c'est dans ce contexte-là, alors qu'il est en plein cœur des guerres de Judée, on est dans les années 66-70 pour les guerres de Judée, où les Juifs se révoltent contre Rome. Et là, on va essayer de pacifier la région, de la dominer, il faut le dire. Vespasien va donc être nommé empereur. Et c'est son fils Titus qui va lui compléter les guerres de Judée. Il va réussir en 70 la fameuse prise de Jérusalem, qui va mener à la destruction du temple un peu par accident. Et ce contexte-là fait en sorte que le symbole que sera le Colisée va changer. Vespasien voulait montrer que c'était une nouvelle ère, que Néron n'existait plus. Comme je l'ai dit en début d'émission, ce qui a été un palais privé sera détruit. On va remplir le lac et c'est où se trouvait le lac du palais de Néron qu'on va construire ce fameux Colisée. Colisée qui vient de Colosseum parce qu'il y avait un colosse, une statue colossale de Néron sur le site. Mais il va prendre bien rapidement le titre d'amphithéâtre Flavien pour montrer qu'on vient de changer de dynastie. Donc, l'objectif de Vespasien, c'était d'en faire un monument public pour le peuple de Rome pour montrer la brisure. Mais Titus, après la prise de Jérusalem et la destruction du temple, c'est un pillage de richesses aussi. Donc, on a de l'argent pour le construire encore plus beau, encore plus gros. Et c'est là qu'il va devenir aussi un symbole de la puissance de Rome sur ses ennemis. On a réussi à conquérir et à pacifier la Judée. Ouais. Essayez de vous révolter contre nous comme les Juifs l'ont fait. Voilà ce qui va arriver. Il va y avoir beaucoup de prisonniers qui vont être massacrés lorsque le Colisée sera inauguré. Et il faut dire qu'il est inauguré après l'éruption du Vésuve. Donc, il devient aussi un symbole de « essayons de nous changer les idées après une tragédie ». Donc, ce que Vespasien en voulait a changé au fil du temps. « Your emperor is pleased to give you the barbarian horde ». Est-ce qu'il faut parler de folie des grandeurs? Il y a quelque chose de ça. Derrière ça, il y a aussi, de la part des empereurs, une volonté, mais qui est proche de celle de l'organisation de courses de Formule 1, de matchs de football, de matchs de hockey, qui est aussi une part de proximité du peuple et du soutien d'une bonne partie de la population pour ces jeux. Alors, on dit bien sûr, ils sont violents, c'est clair. On tue des milliers d'animaux, on fait se battre des gladiateurs au centre de l'arène qui sont des esclaves ou qui sont des gens pris en butin lors des différentes guerres aux frontières de l'Empire. Tous ces combats finalement participent d'une société qui se trouve régulièrement confrontée à cette violence, à la défense des frontières, qui va, grâce en bonne partie à l'amphithéâtre, montrer que elle forme un empire unifié. Et lorsque dans le théâtre, par exemple, on va faire se battre des gladiateurs avec des armes particulières, le Thrace, par exemple, contre un... Alors, on ne va pas le faire battre contre un rétière, mais contre un autre type de gladiateur, eh bien, c'est montré que l'on a été vainqueur de la zone Thrace. De cette manière, on reformule, on fait revoir ce genre de victoire au peuple réuni autour de ces combats. We stay together, we survive. Pleased to bring you the legionnaires of Scipio Africanus! Extrait du film Gladiateur de Ridley Scott. Vous entendiez aussi dans cet extrait à nouveau l'archéologue Michel Fuchs à l'émission suisse Monumentale. Les combats de gladiateurs, on en parlait dans cet extrait, vous en parliez un peu plus tôt, Évelyne Ferron. Ça fait partie, bien sûr, de l'histoire du Colisée. Mais l'extrait qu'on vient d'entendre montre aussi que le Colisée, ce qui s'y passe, a une importance politique à l'époque de l'Empire romain. Les festivités, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, il y a eu des grandes festivités. Ça a duré, les festivités d'inauguration par Titus, ça a duré 100 jours, c'est dire l'importance politique qu'a le Colisée dès son inauguration. Parlez-moi de ça. Quelle place occupe le Colisée sur le plan politique dans la vie romaine? Bien, dans la vie romaine, on est vraiment dans du pain et des jeux. C'est vraiment l'idée que le Colisée, oui, devient un symbole de la puissance de Rome. C'est son atout politique. Et comme il est immense, permet de pouvoir avoir beaucoup de spectateurs en même temps, les empereurs vont profiter du Colisée pour y organiser des spectacles à haut déploiement, comme on en a à peu près jamais vu dans l'Antiquité méditerranéenne. Oui, il y a toujours les combats d'animaux exotiques. Sur 100 jours avec Titus, il y en a eu beaucoup. C'est des milliers d'animaux exotiques qui vont mourir dans des mises en scène très, très élaborées. Mais on va reprendre aussi des mythes grecs où des prisonniers de populations qui ont lutté contre Rome vont incarner, en fait, des personnages de la mythologie qui meurent souvent de façon très, très violente. Donc, il y a eu un spectacle d'Icare qui se brûle les ailes. Le pauvre homme qui va incarner Icare va s'écraser littéralement au sol du Colisée et y mourir. C'est pour ça que la reine est en sable, d'ailleurs. C'est pour absorber le sang parce que ça saigne beaucoup. Et ça, c'est un symbole politique, effectivement. Il y a un empereur qui sent que sa popularité pour différentes décisions politiques et toits sont plus bas, va payer énormément de jeux et de divertissements à haut déploiement. Comme ça, les gens vont être contents. Donc, quand je vous dis que c'est du pain et des jeux, on essaie de contrôler la colère du peuple en le divertissant et en donnant des divertissements qui sont gratuits, qui plus est. Et donc, Rome en avait les moyens aussi. Alors ça, c'est un des symboles les plus importants. Et les combats de gladiateurs s'insèrent parfaitement dans tout ça. Mais pour les Romains, les combats de gladiateurs en particulier, c'est un petit peu comme la lutte, comme la boxe. On a des héros. Il y en a qu'il ne faut pas qu'ils meurent. Il y en a qui doivent vivre. Ils vont avoir des posters, l'équivalent d'affiches en mosaïque quand ils vont être de grands guerriers. Et ça, ça va attirer les foules aussi. Donc, ce que vous nous décrivez, c'est un peu, c'est vraiment l'âge d'or, en quelque sorte, du Colisée de Rome. Il va, cela dit, avec le temps, se mettre à être abandonné, à décliner, à se transformer dans ses fonctions. Ça commence, ce déclin vers le 6e siècle. Pourquoi le Colisée est-il déserté à ce moment-là, Evelyne Ferron? Au 6e siècle, on est rendu à une époque où Rome n'est plus la capitale de l'Empire romain, tout simplement. Il faut dire qu'à partir de Constantin, quand on décide qu'il va y avoir une nouvelle capitale qui sera Constantinople, anciennement Byzance, lentement mais sûrement, l'Occident va être délaissé administrativement un peu et de plus en plus militairement, ce qui fait que les populations dites barbares vont commencer à arriver. Et donc, déjà à partir des années 400, on a des populations barbares qui vont commencer à piller la ville. On pense aux Visigoths et surtout aux Vandales. Et c'est sûr que le Colisée, il ne sert plus à ce moment-là. Il n'y a plus d'empereur sur place, il n'y a plus d'argent pour organiser des jeux. Un peu comme les aqueducs qu'on ne sait pas comment entretenir, la ville va commencer à tomber en désuétude. Ce qui a été le génie de l'ingénierie romaine ne peut pas être entretenu par des populations qui vivent en clans et en tribus. Ouais. On prend l'or, on prend le bronze, on démantèle en fait ce qui a une valeur économique et c'est comme ça qu'il se dégrade. Mais il avait déjà été endommagé par des tremblements de terre dès 217. Ouais. Alors, il n'était plus dans la gloire non plus qu'il était déjà rendu au 6e siècle. Et qu'est-ce qu'il devient à partir du moment où, effectivement, on ne peut plus trop l'entretenir? Qu'est-ce qu'il devient, ce fameux Colisée de Rome? À partir du 6e siècle, la reine devient un cimetière. À un moment donné, on va utiliser les gradins pour des habitations, des ateliers. Donc, les gens vont investir le monument pour, comme on fait avec des vieux bâtiments, industriels dans les villes, souvent les artistes vont récupérer ça pour se faire des ateliers. C'est un peu ce qui va se passer pour le Colisée de Rome. Faut dire que c'est en 1349 qu'il y a le grand tremblement de terre qui explique l'effondrement d'un pan extérieur du mur, ce qu'on voit encore aujourd'hui. Donc là, il y a une partie qui n'est plus du tout utilisable. Et là, on va commencer graduellement au Moyen-Âge à enlever les morceaux. On va en utiliser pour le Palais de Venise, on va en utiliser dans la Basilique Saint-Pierre et le marbre va être utilisé pour les fours à chaud. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui, quand je vous dis que ce n'est pas le monument d'origine, pendant le Moyen-Âge, vraiment, il y a une dégradation complète jusqu'à ce que Clément VI dise « c'est le symbole des martyrs chrétiens, il faudrait peut-être y faire attention ». Et là, on est rendu dans les années 1740. Oui, et juste un peu, à peu près à ce moment-là, en fait, au 18e siècle, on se réintéresse tout à coup au Colisée. Pourquoi? C'est ça. Autant Clément VI avait déjà commencé à avoir cet intérêt pour, je dirais, le symbole des persécutions chrétiennes, Benoît XIV va aller un petit peu dans cette lignée-là en 1749. Il va en faire un lieu de mémoire des premiers martyrs chrétiens et c'est là qu'on va avoir les premières rénovations du bâtiment. Et quand l'Italie va tomber, je dirais, sous le contrôle de Napoléon Bonaparte et même sous Napoléon III, là, on va investir dans des fouilles archéologiques et des rénovations qui sont un petit peu plus poussées parce qu'on veut redorer ce monument-là, montrer que Rome a déjà été le cœur d'un grand empire. Donc, c'est l'histoire qui nous intéresse à partir du 18e siècle et c'est ce qui sauve le monument d'une dégradation totale. Ouais. On va boucler la boucle. Évelyne Ferron, au tout début de l'émission, on parlait des travaux de restauration ont été faits dans les dernières années sur le Colisée de Rome. On écoute à ce propos-là l'animateur Laurent Bignolas et le journaliste François Beaudonnet à l'émission Télématin en octobre 2017. Le Colisée, c'est la fierté non seulement des Romains, mais de l'Italie. Et ce bâtiment est important parce que, d'abord, c'est le plus grand amphithéâtre qui était construit lors de l'Empire romain. C'est un bâtiment qui pouvait accueillir 70 000 spectateurs. C'était donc un très grand stade. Et la difficulté jusqu'à présent, c'est qu'on pouvait finalement visiter que les parties basses et on ne voyait pas finalement le bâtiment tel qu'il était vu à l'époque par les spectateurs de l'époque, ceux qui regardaient par exemple les combats de gladiateurs. Ça va changer à partir du 1er novembre. Il y a eu des restaurations qui ont été faites. Le haut du bâtiment était encore en mauvais état. Et donc à partir du 1er novembre, eh bien, certains spectateurs, certains touristes du Colisée auront une vue différente. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Valérie Parent. Construit au 1er siècle de notre ère, le Colisée accueille chaque année près de 6,5 millions de visiteurs. Jusqu'à présent, il devait se contenter de rester ici, dans les parties basses de l'amphithéâtre. Dans quelques jours, au contraire, il leur sera possible de monter de nouveau jusqu'au sommet de l'édifice, à 50 mètres de haut. Cela a nécessité des restaurations importantes. Le monument sera ainsi encore plus spectaculaire, lui qui est le symbole de l'Italie dans le monde. Le Colisée revient de loin. Il a longtemps été attaqué par les voitures et leur pollution. Mais depuis 3 ans, l'amphithéâtre a fait l'objet d'une importante restauration. Ses murs ont été blanchis pour retrouver leur couleur d'origine. L'ouverture au public de la partie supérieure marque la fin de ce très grand chantier. Alors, le Colisée, il reprend forme petit à petit, Évelyne Ferron. Cela dit, tout n'est pas gagné quand on parle de monuments de cette taille et de cette importance. Quels sont les grands défis auxquels fait face le Colisée au moment où on se parle? Ils vont changer probablement. Le grand défi qu'on avait avec le Colisée, c'était le tourisme de masse en Italie. La crise de la COVID-19 est venue peut-être brasser les cartes. Il y avait peut-être trop de monde, en fait, qui entrait dans le bâtiment ou qui circulait aux alentours. En fait, on a eu beaucoup de rapports dans les dernières années de touristes étrangers qui prenaient des pierres, des morceaux pour les rapporter chez eux, donc qui ont été arrêtés. La pollution, bien qu'il est nettoyé, est un facteur qui dégrade considérablement le bâtiment aussi. Et il faut dire que c'est l'argent, ça coûte très cher. L'Italie n'est pas dans une position économique si favorable. Et donc, les travaux dont on a entendu parler depuis le début de l'émission, c'est le chausseur de luxe Tods, en fait, qui a payé. C'est du mécénat, en fait, qui est derrière. Et il a quand même payé 25 millions d'euros pour la restauration des arches, le blanchiment. Donc, si le mécénat n'est pas au rendez-vous avec, bon, la crise économique qui se dessine aussi avec la crise de la COVID, probablement que les travaux vont ralentir et la restauration complète du Colisée va prendre beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, ça c'est certain. Ouais. Évelyne Ferron, spécialiste en histoire ancienne et amie de l'émission, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Évelyne. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.